Brexit Story, Alexander Seal. Bonjour et bienvenue dans Brexit Stories. On ne sait pas quelle sera dans la tête des députés britanniques lors du vote du deal sur le Brexit le 11 décembre au Parlement. Êtes-vous prêts pour de l'arithmétique ? C'est parti ! Il y aura donc 5 jours de débat avant le vote, et on ne sait pas qui va s'abstenir ou non. Avoir une majorité semble être difficile pour Theresa May. Mais voici un petit rappel de ce que l'on sait à la Chambre des communes. Alors les conservateurs ont 315 députés. Pas suffisant d'avoir une majorité. Mais comme vous le savez, les 10 députés des DUP ont soutenu la Première ministre lors des votes importants. Concernant l'opposition, le Labour a 257 députés. Le Parti national écossais en a 35. Les libéraux-démocrates en a 12. Il y a 8 indépendants, 4 députés du Parti gallois, et un représentant des Verts. Ça fait donc un total de 317 députés. Mais comme est divisé Westminster, certains députés ne vont pas suivre le Conseil de l'Ordre. Regardons de très près qui n'aime pas cet accord. Alors il y a d'abord les 10 députés des DUP qui ont le backstop concernant les deux Irlandes. Il y a les 80 députés conservateurs qui veulent une rupture nette avec l'Union européenne, et puis les 12 conservateurs Remainers qui sont contre. Donc notre estimation des conservateurs était 92 qui sont contre. Et puis il y a le Labour et les autres partis d'opposition. Donc il y aura un total de 312 voix contre Theresa May. Qui va voter pour ? Une très bonne estimation, c'est que 225 conservateurs et un libéraux-démocrate vont soutenir la Première ministre. Ceci dit, elle lui manquera 95 voix. Alors, on ne sait pas qui des 312 députés vont soutenir Theresa May ou s'abstenir. Pour l'instant, on est toujours dans l'incertitude. À la semaine prochaine.